Ceci est un appel d'embarquement pour tous les auditeurs. Ici Radio-Canada Première, Aéro-Mexico et Aéroport de Montréal vous invitent à participer au concours « À bientôt, Mexico ». Courez la chance de gagner 2 billets d'avion aller-retour en vol direct à destination de Mexico. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne et inscrivez l'indice « Plage ». L'embarquement prend fin le 13 mai 2018. Détails au radio-canada.ca/concours. Bon balado. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Jean Grimaldi, pionnier du music-hall et du théâtre populaire québécois. On vous a surnommé le papa des artistes. Il y a sûrement beaucoup de gens qui ont commencé avec vous comme ça et qui sont devenus très populaires, j'imagine. Oui, j'en ai aidé beaucoup à développer leur talent, évidemment. Mm-hmm. C'est pas moi qui les a lancés, qui les a créés, pour ainsi dire, mais j'en ai aidé plusieurs. Le papa des artistes Jean Grimaldi, au micro de Wilfrid Lemoine à l'émission Carrefour en 1960, à une certaine époque, à peu près tout ce que le Québec compte de vedettes a en effet participé aux tournées de Jean Grimaldi au Canada et aux États-Unis. Michel Louvain, Paulo Noël, Olivier Guimond, Claude Blanchard ou Tigus et Timous ont tous fait partie de la troupe Jean Grimaldi. Alors, en arrivant ici, évidemment, j'ai fait l'opérette et l'opéra parce qu'on avait l'opéra dans ce temps-là. Ah oui, j'ai fait des tournées, plusieurs tournées, évidemment, pendant longtemps, puisque je vous parle de ça il y a une quarantaine d'années. On n'avait pas les moyens de voyager comme aujourd'hui. J'allais de partout. Moi, j'aimais ça aller très loin, porter le spectacle, le rire très loin. Qu'est-ce que vous appelez très loin? Dans le Labrador, l'île Anticosti, dans l'Abitibi, où il n'y avait personne. Je vous parle de l'Abitibi, je vous parle de Val-d'Or. Dans ce temps-là, Val-d'Or n'existait pas. Il n'y avait rien que des chats puis des chiens. Il n'y avait pas de femmes, pas aucune femme. Alors, comme j'amenais... Vous en ameniez, vous? Ben, évidemment, j'amenais des femmes dans ma troupe. Oui. Et pour les protéger, ces femmes-là, j'étais obligé d'avoir la police avec moi. Alors, je demandais à la police à Amos ou bien à Rouen de nous accompagner pour protéger les femmes, évidemment. Oui. Parce que les femmes attaquaient les gars. Non, c'est pas vous. Non, mais ce sont des hommes, des hommes qui vivaient sous terre. Ils sortaient de la terre le soir. Oui. Ah, puis j'ai fait des tournées, évidemment, aux États-Unis. En Nouvelle-Angleterre, j'ai voyagé beaucoup pendant 25 ans. J'étais le seul à présenter mes spectacles en langue française pendant 25 ans. Alors, parlez-nous d'Aurore, l'enfant martyr, vous avez présenté. Quelles étaient les réactions du public lorsque vous présentiez Vous savez que le public prend ça à cœur, hein? Ah oui? Ah, franchement, le soir, après le spectacle, oui. On était obligé d'avoir la police. Pour protéger la marade quand elle sortait, puis il fallait qu'elle sorte par en arrière. Les gens prenaient ça au sérieux? Ah, sérieux, ils voulaient la battre. Oh, alors ça, c'est vrai. Jean Grimaldi, à l'émission de Jacques Normand et Roger Boulu, Les Couches-Tard, en avril 1965, pour nous parler du rôle et de l'importance de Jean Grimaldi dans l'émergence d'une scène culturelle québécoise au 20e siècle, je reçois Pierre Lavoie, qui est doctorant en histoire à l'Université de Montréal et qui est également batteur du groupe montréalais Cheshire Car. Pierre Lavoie, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Quelle importance, Pierre Lavoie, a Jean Grimaldi dans l'histoire du théâtre populaire, du musical, de cette industrie culturelle québécoise naissante au 20e siècle? Un rôle monumental, et c'est bien qu'on mentionne dans les industries culturelles au complet, dans la culture populaire au complet, parce qu'il est de ceux qui vont faire la transition, si on veut, ou qui va accompagner les artistes qui vont faire la transition de cette époque où le rapport au public est toujours direct, donc le rapport à la scène, et ensuite, beaucoup des artistes avec qui il va avoir travaillé vont passer aux médiums comme la télévision, comme le cinéma aussi. Jean Grimaldi est impliqué à toutes les étapes des productions qu'il déplace en tournée un peu partout au Canada, aux États-Unis. Il va écrire des pièces, il va écrire des chansons, il va lui-même chanter et jouer dans les pièces. Et bien entendu, il va diriger les troupes. Et c'est d'ailleurs d'où vient son surnom de papa des artistes. Il va encadrer beaucoup le parcours c'est de ces artistes. C'est toute une génération d'artistes qu'il va voir défiler sous ses yeux, qu'il va contribuer à former d'une certaine manière. Il y a une chose qui est très importante pour lui aussi dans cette scène burlesque, dans ce théâtre populaire, dans le cabaret, le musical d'avant la télévision, c'est le côté populaire. Vous disiez, il y a un rapport direct avec le public, on se déplace pour aller voir ces gens-là, mais c'est plus que ça. Pour lui, un peu comme la Poudre, un peu comme la Bolduc, il y a un rapport très, très étroit avec le public. C'est important pour lui. La culture, pour lui, ça doit être populaire. Absolument. Et c'est d'ailleurs, dans son parcours, on voit qu'il a touché un petit peu à tout. Il a même été du côté des opérettes, du chant lyrique, mais il retournait toujours vers des formes d'art populaire dans un rapport absolument généreux et direct avec le public, oui. Si on veut. Il ne fallait pas se prendre la tête. L'idée, c'est on divertit des gens qui travaillent fort, qui viennent voir des spectacles, qui veulent rire. Et exactement. C'est d'ailleurs une chose qui va toujours mettre de l'avant aux différentes époques, parce qu'on parle d'une génération, mais c'est plusieurs générations d'artistes, en fait, qui passent devant lui. Et à chaque étape de sa carrière, il va toujours mettre de l'avant dans ses spectacles des artistes comiques. Et d'ailleurs, il y a des anecdotes de lui qui se fait reprocher un petit peu par des prêtres, parce qu'on sait que lors des tournées, il devait souvent les jouer dans des salles paroissiales, dans des églises, là où il n'y avait pas de salle de spectacle. Et le contact se faisait avec la paroisse, avec le curé. Et il se faisait reprocher des fois de ne pas présenter des spectacles plus élevés, ouais. Si on veut. Mais lui tenait absolument à donner au public ce que le public voulait. Et c'est ce qu'il va faire jusqu'à la fin de sa carrière, en fait. Ça remonte peut-être, au fond, à ses origines en partie, milieu modeste. Un Corse, hein? Il est né en Corse et ça, toute sa vie, il va garder un très, très grand attachement à ses origines corse. Absolument. Il est né en Corse en 1898 et il s'est déplacé tout au long de sa vie ensuite, mais... en effet, la culture corse et son identité corse, si on veut, va rester toujours présente. Dans sa jeunesse, déjà avec sa famille, il vient d'une grande famille de 10 enfants. Il y a déjà un premier déménagement à l'âge de 10 ans environ. Il va toujours être en déplacement et au Québec, même s'il va, il va adopter complètement la culture canadienne-française ou québécoise par la suite, il va tout de même toujours garder son accent, ses expressions. Il va beaucoup évoquer les souvenirs de sa Corse. Il va beaucoup se définir comme corse. Donc, qu'un vrai Corse n'abandonne jamais. Il répète souvent ça dans ses mémoires pour expliquer ses succès sur la scène culturelle. Ouais. Il va être dans l'armée au cours de la Première Guerre mondiale. Puis toute sa vie, vous me direz ce qu'il faut penser de cette histoire-là, parce qu'avec Jean Grimaldi, on est face à un conteur. Et des fois, on se demande s'il n'invente pas en partie sa vie, mais une histoire qu'il va raconter toute sa vie, c'est que c'est dans les tranchées, au fond, en tout cas dans le cadre de cette Première Guerre mondiale, que son rêve américain prend naissance. Racontez-nous cette histoire-là, Pierre Lavoie. Comment ça se passe? Bon, donc, il est mobilisé pour la Première Guerre mondiale avec son frère jumeau, François. Et il racontera qu'au front, il fait la rencontre de soldats qui n'ont pas le même uniforme, qui parlent un français avec un accent étrange. Ouais. Et il apprend un peu plus tard que ce sont des Canadiens français. Et à ce moment-là, il dira qu'il n'avait même pas idée de l'existence de la langue française en Amérique du Nord ni au Canada. Et il aurait fait, à ce moment, la promesse aux soldats canadiens français d'un jour les visiter dans leur beau grand pays. Et c'est ce qu'il va souvent répéter, que d'ailleurs, quand il est passé de ce côté-ci de l'Atlantique en 1926, c'est pour arriver, c'est pour répondre à cette promesse, si ouais. on veut. La guerre, pour lui, va rester marquante. Il va notamment être malade, il va être atteint, ce qu'il dit être la grippe espagnole, mais il va être en hôpital, il va être dans un hôpital de guerre pendant un certain temps. Et par la suite, quand il rentre en Corse à la fin de la guerre, tout de suite, il y a déjà des idées de grandeur et avant même de passer vers le Québec ou vers le Canada, il va transiter vers la France, vers Marseille. Ouais, et c'est là que ça commence. La vie de scène pour lui, son premier contact avec la scène, c'est à Marseille que ça commence. Absolument. En 1919, il va déménager et il va déjà se faire engager pour des petits contrats au théâtre Alcazar, notamment comme chanteur, mais aussi pour avoir des petits rôles dans les pièces. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que tout au long de cette première période-là, si on veut, celle où il apprend le métier, celle où il développe ses talents, il travaille toujours à côté comme ébéniste, parce que c'est le métier qu'il aura appris avec son père, ouais. qui était directeur d'une manufacture de meubles. Et donc, les premières années qui se partagent surtout entre Marseille, mais un petit peu Paris aussi, vont être les années où il va prendre à contrat comme ça, des petits contrats de chanteur et de comédien dans des pièces. Ouais. Il décide donc de s'embarquer, vous le disiez, c'est en 1926 que va se faire ce grand voyage en bateau pour lui vers Montréal. Comment ça se passe, cette traversée et son arrivée au Québec? Les raisons précises de son départ sont un peu floues dans ses mémoires. Il va souvent, justement, évoquer le fait de la promesse qu'il aurait fait aux soldats canadiens français. La traversée en tant que telle, il la raconte un peu comme étant le départ de sa carrière parce qu'il aurait rencontré un couple de Canadiens français qu'il nommera plus tard québécois. Il suit l'évolution des identités. Donc, il rencontre un couple de Canadiens français et dans les soirées, les longues soirées de la traversée, les gens veulent se divertir et ils l'entendent chanter. Et ils sont époustouflés par son talent de chanteur et ils lui recommandent d'aller... appliqué pour des auditions à la Société d'opérette à Montréal, la Société d'opérette canadienne. C'est populaire ce qu'il va faire quand il débarque dans les premiers temps où il est ici. Et il va tout de suite obtenir certains contrats, justement, à titre de ténor, dans cette institution qui est à l'époque dirigée par Honoré Vaillancourt. Ça méritait pas correct, j'ai bien mieux le secours direct. Si tu continues à crier, je vais vite pas me pousser. Pas besoin de décourager, car je fais rien commencer. Le premier jour de notre mariage, je te souhaite beaucoup de courage. Je pense pas que ce jour-là, t'auras le temps de crier comme ça. Pour fêter ce jour heureux, m'a te bouché les deux yeux. Mon petit homme, commence pas à t'exciter le plumeau. Si tu lèves la main sur moi, je vais faire un strike avec toi. N'oublie pas ma petite mairie, que l'homme a été créé. C'est nous qui sommes les plus forts et que la femme a toujours tort. Si c'est faux, tu vas le prouver, après qu'on se remarie. Pour battre les jumelles, tu sais, t'as besoin de te planter. Extrait de la chanson « Arrête donc, Mary », interprétée en duo par Jean Grimaldi et la Bolduc en 1936. Il va rencontrer la Bolduc, Jean Grimaldi, en 1931, et ça va être pour lui, Pierre Lavoie, une rencontre déterminante. Pourquoi? C'est probablement la rencontre la plus marquante de sa carrière. Premièrement, c'est la rencontre de deux migrants. La Bolduc, Mary Travers, elle a elle-même vécu la migration aux États-Unis au début des années 20, en 1922, et c'est dans cet esprit qu'elle va réfléchir à l'idée des tournées vers la Nouvelle-Angleterre qu'ils vont développer les deux ensemble. Au moment où ils se rencontrent, Jean Grimaldi fait tous les métiers dans les théâtres de Montréal, dans les troupes de Montréal, et elle lui offre l'opportunité d'avoir une stabilité. Mmh. Il va raconter d'ailleurs que quand elle lui demande d'être son directeur et chauffeur, il acquiesce, mais qu'il a à peine conduit une automobile et que ça le stresse un petit peu, mais qu'il va le faire quand même. Et c'est avec elle, donc, qu'il va développer cette idée d'amener sur les routes du Québec, du Canada français, mais aussi la Nouvelle-Angleterre, tous ces artistes populaires de la région de Montréal, du Québec, pendant les années 30. Et ça va ressembler à quoi? À la fois les spectacles qu'ils vont présenter en tournée, puis même la vie de tournée comme telle, ça ressemble à quoi? C'est, on s'en doute, plutôt rudimentaire à l'époque. Premièrement, on l'a entendu dans l'extrait au début de l'émission, il adore aller aux quatre coins du Québec. Bien, aller aux quatre coins du Québec au début des années 30, c'est pas toujours sur des routes bien pavées. Mm-hmm. Il va raconter que des fois, il se rend à des spectacles en Abitibi, en Côte-Nord, en barque, dans des petits avions dans lesquels il n'y a même pas de siège. Cette vie de tournée, il va rapidement la comprendre, si on veut. Il va rapidement l'encadrer. Il va souvent répéter qu'il détestait la consommation d'alcool chez les artistes et que la tournée, bien entendu, d'hôtel en hôtel, de village en village, peut amener ce type de comportement, mais qu'il avait tous ses trucs pour cacher les bouteilles, qu'il avait tous ses trucs pour essayer de garder une atmosphère plus sain, si on veut, et très professionnelle. Et ça donne quoi sur scène? Humour, certainement, on l'a un peu évoqué, il y a toujours ça chez Jean Grimaldi, mais il y a des choses à côté de ça. Il parlait d'Aurore, l'enfant martyr, dans l'extrait qu'on entendait au début de l'émission. C'est un mélange, là. Il y a toutes sortes de choses dans une soirée de cette troupe Jean Grimaldi. Essayer de définir les spectacles de la troupe Jean Grimaldi, ça pourrait être une monographie en tant que telle. Quand il commence avec Mary Travers, avec la Bolduc, ce sont plutôt les spectacles de type veillée du bon vieux temps. Et rapidement, lui, va vouloir intégrer les duos comiques qui viennent de la tradition burlesque. Juste pour le petit détail, quand on parle de burlesque québécois ici, on ne parle pas de spectacle des feuilleuses ou de spectacle osé, mais c'est une tradition de théâtre qui va se poursuivre jusqu'au théâtre des variétés, la Tulipe et compagnie. Donc, ces spectacles, il va aussi les diviser selon les saisons. Quand il va entreprendre vraiment des grandes tournées et des saisons de tournée, il va diviser les types de spectacles selon les saisons. Mm-hmm. Donc, plutôt des drames autour du carême, comme la Passion du Christ. À d'autres moments, ce sera plutôt la comédie. À d'autres moments, ce sera plutôt la chanson. Mais dans tous les cas, bien entendu, on parle de spectacles de format variété. Donc, tous les artistes sont impliqués à tous les moments du spectacle. Les chanteurs jouent. Les comédiens finissent par embarquer sur les chansons. C'est très varié. Et tout le monde est là. On revient au début de l'émission, mais je le disais, ça, à peu près tout ce que le Québec a compté devait vedette à une certaine époque est passé par là. Qui va faire partie de cette fameuse troupe Jean Grimaldi? Là, quelques noms au fil des ans. Au fil des ans, ben, premièrement, lui-même aura travaillé avec les deux Guimond, avec le père et le fils Olivier Guimond. Et je dirais que les artistes, peut-être le duo comique le plus marquant de l'histoire de la troupe Grimaldi, c'est Tizoune Junior, Olivier Guimond Junior et Manda Parent, ouais, qui sont ses têtes d'affiche pendant plus d'une décennie. À d'autres époques, il va notamment faire la tournée avec les Girola dans les années 50, avec Willy Lamotte aussi. On a parlé de Claude Blanchard un, ouais, petit peu plus tôt. Dans les années 60, ça se poursuit. Il va faire tourner des groupes yéyé, donc les Oulops, il va faire tourner les Classelles aussi. Il touche vraiment à quatre décennies de showbiz québécois. Un petit mot sur la Nouvelle-Angleterre. On en a brièvement parlé. C'est important pour lui et d'une certaine manière, il est important en Nouvelle-Angleterre aussi. Absolument. Juste un petit rappel comme ça pour les auditeurs. Après 1930, il y a encore énormément de personnes qui parlent français en Nouvelle-Angleterre. Il y a près d'un million de Canadiens français qui ont migré entre 1840 et 1930 vers les États-Unis. Et lui, il va sentir non seulement l'opportunité, mais il va s'investir dans certains devoirs envers cette population-là. Peut-être parce que lui-même migrant, peut-être parce qu'il sentait aussi qu'il y avait une opportunité de marché de ce côté-là. Mais donc, ça va être sur entre 1932, 33, 34, jusqu'au milieu des années 50, il va faire des tournées très fréquentes en Nouvelle-Angleterre, surtout à la fin des années 40, début des années 50. Parfois, c'est plusieurs semaines, plusieurs fois par année. Ouais. Il va même avoir un bureau dans le Maine pour ses affaires à ce moment-là. Évidemment, il va, à un moment donné, se fatiguer de cette vie parce que le nombre de spectacles par année, c'est assez hallucinant aussi. Il va se poser un peu plus à Montréal. Et c'est là où il entre dans la deuxième grande partie de sa carrière, au fond, comme propriétaire et comme directeur de théâtre, avec cette vision qu'on évoquait au tout début de l'émission d'un art et d'un théâtre qui doit être populaire. On l'écoute en parler à Wilfrid Lemoine à l'émission Carrefour en 1960. Bien, le théâtre populaire, c'est un théâtre qui est très simple, n'est-ce pas, qui est une idée de grandes phrases, c'est tiré de la vie réelle. C'est tiré de la vie de tous les jours. C'est un théâtre qui est très difficile, par exemple. Très difficile pour l'artiste en même temps, très facile pour moi, parce que je prends un sujet, je le développe dans mon cerveau, je l'écris s'il faut, puis je l'explique à mes artistes, et mes artistes développent eux-mêmes par leur esprit ce qui va se passer sur la scène. Ah, c'est donc dire que quand on joue une pièce de vous, vous n'avez pas écrit les dialogues? Ah non, non, non. Les artistes n'apprennent jamais de rôle. Alors, vous leur donnez une situation comme ça, leur dites comment ça doit finir? C'est ça, une situation imprévue. Toi, tu es le père, toi, tu es la mère, toi, tu es la fille, toi, tu es le garçon qui vient pour la marier. Enfin, je prends un sujet quelconque. Oui. Ce sont des sujets nouveaux chaque semaine. Et c'est les artistes qui, n'est-ce pas, qui ont développé ce travail, qui est un travail excessivement difficile, que tout le monde ne peut pas faire. Mais justement, vous demandez beaucoup de vos artistes. Où allez-vous les chercher, ces gens-là? Ah, mais c'est un métier qu'ils apprennent. Ça, ce sont les premiers pas du théâtre, ça. Mais de quelle façon peuvent-ils apprendre comme ça à improviser? Ben, tranquillement, petit à petit, ils apprennent. Avec le temps, ils finissent par développer leur esprit et pouvoir travailler comme ça. C'est donc dire que des gens qui seront capables de jouer de vos pièces sont aussi des auteurs de la pièce. Ah oui, évidemment. C'est donc dire que tous les soirs, ils recréent vraiment leur personnage parce que les paroles ne sont jamais les mêmes. On peut voir le spectacle deux fois, puis le spectacle n'est jamais le même. Ça, c'est extraordinaire ce qu'on vient d'entendre, Pierre Lavoie. C'est extraordinaire parce qu'on comprend tout. On comprend exactement ce que fait Jean Grimaldi chaque soir au théâtre. Quelle importance il va avoir, Grimaldi, dans cette scène théâtrale montréalaise des années 40-50? En fait, il y aura déjà eu une petite expérience de direction en 1934 à Québec, au Harlequin, mais c'est en 1948 qu'il va se lancer comme directeur de salle avec le Canadien, qui est l'ancienne bâtisse du Wimettoscope. Et ça va être un succès quasi instantané. Il y a énormément de gens qui font la file pour aller à ses spectacles, ce qui va lui donner l'idée d'agrandir ou en fait de développer. Et un peu plus tard, dans les années 50, il va se porter acquéreur aussi du théâtre Gaîté, qu'il va renommer le Radio Cité, qui ensuite il va revendre à Gracien Gélinas pour faire la Comédie canadienne. À ce moment-là, Jean Grimaldi est en train... Je reviens à l'idée de l'art populaire dont on parlait un petit peu plus tôt. La façon dont il parle des artistes, pour lui, c'est les artistes les plus virtuoses, si on veut, parce qu'il va les comparer dans ses mémoires en 1973 aux artistes qui sortent, aux acteurs qui sortent du conservatoire. Et il dit, ces personnes-là seraient jamais capables de la virtuosité de mes artistes à moi qui sont toujours contraints à changer des bouts de pièces, sont contraints aux aléas de la salle, qui sont contraints aux aléas des pièces en différents actes qui bougent constamment, qui doivent improviser. Ouais. Pour lui, ce sont de grands virtuoses. Il y a le côté improvisation, le côté multidisciplinaire aussi probablement de ces artistes-là. Évidemment, cette grande époque du théâtre populaire qui est associé à Jean Grimaldi va commencer à s'essouffler dans les années 50. On écoute Jean Grimaldi qui en parle à Wilfrid Lemoine. En fait, c'est l'impact de l'arrivée de la télévision qui va tout changer à cette scène théâtrale. À nouveau un extrait de l'émission Carrefour en mars 1960. Oui, on a parlé de crise souvent au Canada depuis ces dernières années et depuis avant aussi. Dernièrement encore, on parlait de crise et on se demandait, dans le théâtre populaire, même, je crois que le terme ne vous fait pas peur, le théâtre pour le populo. C'est ça. S'il y avait aussi une crise. Ben, c'est une crise, évidemment, qui existe depuis la venue de la télévision. Parce qu'autrefois, le public venait au théâtre pour y passer une soirée, pour se distraire, sans s'inquiéter qui en faisait partie, n'est-ce pas? Il savait qu'il, n'est-ce pas, il venait voir la troupe Jean Grimaldi, il savait qu'il devait trouver du plaisir. Mais aujourd'hui, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, il s'agit d'avoir la vedette. Aujourd'hui, on téléphone, on sait qu'il y a le spectacle là, mais qui sait qu'il a... Autrement dit, les gens ne vont plus au théâtre pour les mêmes raisons qu'auparavant. Non. Même les supporters du théâtre populaire. Non. Ils ne vont plus pour les mêmes raisons. Ils viennent voir la vedette. Si on a, pour faire un fin box-office, comme on appelle, eh bien, il faut que la vedette soit là. Admettons, quand on a des Denis Filiatro, puis Dominique Michel, ou bien Michel Louvain, ou bien Titus et Timo, c'est tout ça. À ce moment-là, les gens vont. À ce moment-là, les gens se déplacent et viennent, et la salle est comble. Comment il va vivre ce déclin, cette transformation qu'il décrit de ce théâtre populaire qu'il aime tant, Jean Grimaldi? Jean Grimaldi est un homme qui était extrêmement débrouillard. Il réagit très, très vite. La période des théâtres dont on a parlé en tant que tel, ça se limite à peine à une décennie. Mm-hmm. Assez rapidement, quand il va sentir ce déclin-là, il va revendre, comme je le disais, notamment le Radio Cité à Grâce Angelina. Et par la suite, il va continuer à opérer ses tournées pendant jusqu'au milieu des années 60. Et sa carrière professionnelle va être terminée par un dernier grand acte, si on veut, avec le Théâtre des variétés mm-hmm. que Gilles Latulippe veut lancer à cette époque, en 1967, et qu'il va diriger en quelque sorte pendant les 2-3 premières années pour aider Gilles Latulippe à lancer son entreprise. Et quand je dis diriger, c'est encore une fois quelque chose qui implique d'être sur la scène, d'être ouais. Dans les coulisses, d'être derrière les artistes, d'être un peu partout. Ouais. Pour parler un petit peu, pour résumer l'impact qu'il a eu, l'héritage qu'il nous laisse, je vous amène sur cette comparaison. Je suis très curieux de vous entendre. Vous comparez en fait cette figure de Jean Grimaldi à celle d'un René Angélil. Pourquoi, de quelle manière ces deux hommes se ressemblent pour vous? C'est pas tant sur des traits de personnalité, par exemple, ou sur les artistes qu'ils ont mis de l'avant, mais plutôt sur des traits, sur des caractéristiques de leur parcours commun. Les deux sont migrants ou enfants de migrants, et c'est peut-être ce qui leur donne la possibilité d'entrevoir l'Amérique du Nord au complet comme une scène pour eux. À ce moment-là, ils se confinent pas à la scène montréalaise, ils se confinent pas à la scène québécoise ou canadienne-française. Ils veulent ouvrir beaucoup plus grand. Ouais. Et dans les deux cas, c'est aussi des hommes qui ont commencé en étant eux-mêmes artistes, qui ont toujours continué un petit peu à mettre le pied là-dedans, si on veut, mais qui ont rapidement compris les rouages des industries culturelles puis du côté entrepreneurial ouais. que ça prenait pour développer ce type de pratique-là. Ouais. Et des dynamos, les deux à leur façon, mais qui ont animé, qui ont fabriqué en quelque sorte cette scène culturelle. Oui, et c'est deux époques différentes, c'est deux époques qui vont se chevaucher un petit peu. Comme je l'ai dit, Grimaldi va s'occuper d'artistes de l'époque yéyé, qui est l'époque oui. dans laquelle René Angélil... Ils travailleront ensemble, d'ailleurs. Ben, il a travaillé avec les Baronets, les oui. Classelles et tout, mais je ne pense pas qu'il a fait la tournée avec les Baronets. Oui. Mais oui, il connaissait cette scène-là à ce moment-là. Oui. C'était fascinant de vous entendre, Pierre Lavoie, doctorant en histoire à l'Université de Montréal, batteur dans le groupe montréalais Cheshire Car. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à Marie Caillet, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Mario Bolduc, recherche d'archives Sophie Gibson, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Sylvain Brunet. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.